Selon les informations du 29 mai en provenance de Corée du Sud, les autorités militaires sud-coréennes, apeurées par notre puissance militaire de plus en plus renforcée, cherchent à organiser un commandement stratégique pour la terre préventive contre les objets importants de notre côté. À cette fin, sera intégré le système d'attaque à trois axes, y compris le système de défense antimissile, le kill chain et le système de représailles importantes basé sur la direction d'opération K2 au commandement d'opération de l'aviation. Le commandement stratégique dirigera le système d'attaque à trois axes installé aux forces terrestres, maritimes et aériennes.